Avec leur maillot grenat, du football, ils sont les rois. Allez, Servette! Ils n'ont qu'une seule passion, c'est de shooter le ballon. Allez, Servette! Ils n'ont qu'une seule patrie, oui, c'est le stade des Charmilles. Allez, Servette! Ils sont les rois du sport, les plus beaux, les plus forts. Allez, Servette! Ils se battent comme des lions pour devenir les champions. Allez, Servette! Quand leur courage exemplaire fait reculer l'adversaire. Allez, Servette! Sur les chemins de la gloire, ils marchent vers la victoire. Allez, Servette! Ils sont les rois du sport, les plus beaux, les plus forts. Allez, Servette! Chantez tous en chœur pour qu'ils soient toujours vainqueurs. Allez, Servette! Avec moi les supporters, pour Guyot et pour Fitter. Allez, Servette! Pizzini part à l'attaque, Givers descend, tire et marque. Allez, Servette! Ils sont les rois du sport.